Putain, mais... Ah, t'as pas vu mes CD? Quel CD? Mes vieux sons, là, avec tous mes vieux sons dessus. Oh non. Putain. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Laisse tomber. Sur le déco, je laisse. Je préfère rester dans l'ombre qu'être éclairé et fondre. Chier donc plein le cul, hey. La rage de nos pupilles, comme celle d'un cancre à son pupitre. Mais nos textes pullulent, parfois passent mal, comme de mauvaises pilules. Le rap, moyen d'extérioriser. Qui chaque jour te fauche, depuis ce 10 décembre. Je grandis avec la peur de l'avenir au ventre. 22 ans, mais toujours l'âme d'un adolescent. Écoute ce 12 R, chez nous on se met des races, mais jamais aux 12 ans. Ça vient du 12, ma couille. Bio, 1, 2, ville de cas sociaux. L.R.A.C. poto, tu reconnais Blaze, celui du blasé. Un mec baisé, piégé, poigné, mais l'entendu au discours biaisé. Si l'argent fait pas le bonheur, combien de malheureux fait-il? Paraît qu'il n'a pas d'odeur, mais la sienne est fétide. Je pensais tout connaître, mais dans ma tête ça a fait tilt. Question de principe, faut que je me parle ici, il faut que tu participes. Allô? Ouais, toi, c'est Mathieu là. Yes. Le rack. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, nickel, et toi? Ouais, bah ouais, tranquille aussi, ouais. Je t'appelle parce que, en fait, je voudrais partir sur un nouveau scud, là. Je réécoutais des vieux sons, etc. Yeah. Enfin, bref. Yeah, c'est cool. Et du coup, je voulais voir un peu tes dispos pour le studio. Moi, c'est un peu quand tu veux, hein. c'est dispo, là, en ce moment, là. J'ai de la place. Bon, mais écoute, parfait, ouais. Ben, bloque-moi demain, pour commencer. Yes, ok. Donc, ça sera certainement 10 titres, à peu près, je pense. Ouais. J'ai déjà le nom en tête, ça sera Échec et Mat. Okay. Donc, ça sera... D'ailleurs, probablement le dernier album que ah je sortirai. Bon, bah écoute, c'est bon, moi c'est marqué. Bon, ok, bah écoute, on se voit demain. Hein. Yes. Allez, bonne soirée à toi, mec. Bye. Ciao, merci. Bonne soirée, ciao.